Je dérive devant mon miroir cassé. J'entame 10 ans de malheur à deux. Comment pourrais-je toucher le fond quand j'ai l'impression de ne pouvoir que remonter? Toi seul connais la peine qui rumine en moi, toujours se penche pour se nourrir, et toi tu laisses faire, épuisé toujours. C'est trop dur de tout recommencer. On se hisse un peu et puis on lâche. C'est bien de sentir sa chute tranquille. Personne pour crier ou pleurer. Tu m'aimeras lorsque je serai mort. Tu trouveras les mots qui auraient pu me toucher et qui te font tout regretter. Et le sol attend mon corps. Jamais je ne l'ai senti si lourd. Et le sol attend tes larmes. Jamais tu n'as eu tant de mal à pleurer. J'ai de l'espoir à revendre, mais au crack la mort me croque avidement nu. Elle m'aimait bien plus que toi. Et le sol attend mon corps. Jamais je ne l'ai senti si lourd.